بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة السلفية باليمن أنا plaisir de vous présenter بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc, Inch'Allah, comme prévu, on va procéder à l'étude des jugements de l'i'tikaf et de Kazalika, de certains jugements qui sont relatifs à Salat al-Eid. Avant de commencer, un petit rappel sur le mérite de la science. Wa Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam yaqul. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui dont Allah Azza wa Jal y veut un bien, il lui facilite la compréhension de la religion et kazalika l'application de ce qu'il a appris. Dans ce hadith, ayyuha al-ikhwa, il y a une preuve évidente qu'il fait partie des bienfaits apparents et des signes t'indiquant que tu es sur la bonne voie, le fait d'emprunter la voie de la science et de s'instruire dans sa religion. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui dont Allah azza wa jalla veut un bien, il lui facilite la compréhension de sa religion. Donc d'emprunter ces voies par lesquelles, bi'idnillah azza wa jalla, si nous sommes sincères, et si nous recherchons à travers cela, appliquer ce qu'Allah azza wa jalla nous a décrété de faire dans nos jours et nos nuits, inshallah bi'idnillah azza wa jalla, c'est une voie qui est honorable dans laquelle nous empruntons. Celui dont Allah Azza wa Jal veut un bien, il lui facilite l'étude du din, à talab al-ilm. Cela, yani, de façon à ce que nos actes religieux correspondent, barakallahu fikum, à celle du prophète, alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah, qui est le guide menant tout droit vers ceux qui espèrent la rencontre d'Allah Azza wa Jal et son agrément. Allah Azza wa Jal yaqul فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il est dit dans ce verset, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il œuvre de manière pieuse et qu'il n'associe aucun d'autre à Allah Azza wa Jal dans l'adoration. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad, alayhi rahmatullah, nous dit, l'œuvre pieuse qui est visée dans ce hadith, dans ce verset, est celle qui correspond à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc les personnes qui espèrent la rencontre d'Allah Azza wa Jal, ce sont les personnes qui empruntent pour cela les voies par lesquelles il veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Et parmi ces choses-là, talab al-ilm, étudier la science, car il y a à travers l'étude de la science un guide pour voir nos œuvres yani, correspondra à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-imam Malik alayhi rahmatullah, comme cela a été rapporté par Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été questionné au sujet de l'étude de la science, talab al-ilm, il a dit l'étude de la science est une obligation dans tout son ensemble. Yani, dans l'ensemble, c'est une obligation. Ensuite, Inch'Allah, comme vous pouvez le connaître, l'obligation se divise en deux. L'obligation selon la suffisance, fard kifa'i, ou l'obligation selon l'individuel, yani, à l'individuel, qui implique à chaque personne. Il nous dit, yani, l'étude de la science, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, d'une vue global, c'est une obligation pour tout musulman. Il dit, mais néanmoins, il convient d'étudier les choses qui te seront profitables dans ton dîn. Les choses que tu vas mettre en application dans ton dîn. La parole de cet imam, elle est à l'image kavalika de ce que certains des salafs ont pu dire. C'est-à-dire, étudier les choses dont tu as besoin chaque jour et chaque nuit. Qu'est-ce qui est voulu par l'étude de la science qui t'est profitable ou bien étudier les choses qui sont profitables, celles que tu as besoin dans tes jours et dans tes nuits. Ceci étant dit, ayo al-ikhwa, sachez qu'il a été authentifié selon Abu Hurayra, et le hadith est muttafaqun alayh. قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. Le prophète عليه الصلاة والسلام pratiquait l'œuvre qui s'appelle l'i'tikaf, en traduction française la retraite pieuse. Il nous dit Ibn Abbas عليه رحمة الله, ou plutôt Abu Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم pratiquait cette œuvre qui est l'i'tikaf dans les 10 derniers jours, ou plutôt naam, fi kulli ramadan ashata ayyam. Donc à chaque mois de ramadan, il pratiquait cette coutume de l'i'tikaf 10 jours dans ce mois-là. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décéda, il s'isola, c'est-à-dire qu'il fait l'i'tikaf pendant 20 jours. Ce hadith-là, afwan, il a été rapporté par Bukhari. Donc ce hadith, et il est clair et net qu'il est légiféré la pratique qui s'appelle l'i'tikaf, la retraite pieuse, pendant ce mois de Ramadan dans lequel Allah Azza wa Jal nous a fait la faveur de pouvoir y profiter de ces jours. L'i'tikaf, c'est une chose qui est légiférée et qui est une sunna, à l'exception de la personne qui aura fait un vœu. À partir de ce moment-là, l'œuvre deviendra une obligation. Car tout vœu dans l'islam qui est fait, ça implique à cette personne-là qui a fait le vœu de se décharger, de libérer sa conscience en pratiquant cette chose dont il a fait le vœu. Mais sinon, l'i'tikaf dans l'islam, c'est une chose qui est une sunnah, qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée et très fortement recommandée pour le mois de Ramadan. Sa recommandation a été indiquée par le kitab, la sunnah, et kazalika le consensus des ulama de cette umma. Amma al-kitab faqulu subhanahu wa ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Et ne pratiquez pas les rapports conjugaux alors que vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées. Amma la sunna, comme on a pu l'évoquer à travers le hadith de Abu Hurayra, il y a d'autres hadiths qui prouvent cela. On se contente inch'Allah bi'idhnillah azza wa jalla du hadith ibn Abu Hurayra dans lequel Nabi sallam il a fait l'i'tikaf. Il faisait l'i'tikaf à chaque mois de Ramadan, 10 jours, et l'année où il est mort, il a pratiqué cette coutume pendant 20 jours. Et l'ijma', plus d'un des alims de la sunna, comme c'est le cas d'Ibn Munzir, Ibn Qudama, ou l'imam al-Nawawi, alayhim rahmatullah, ils ont tous évoqué que l'i'tikaf, c'est une chose qui est recommandée dans l'islam. L'i'tikaf fil lugha, dans le sens linguistique de la langue arabe, c'est pris de al-ukuf, kalimat al-ukuf. Al-arabu taqul akafa ya'kifu ou ya'kufu ukufan idha lazima shay'an kama dhakarahu al-imam al-Uthaymin alayhi rahmatullah fi kitabih al-mumti' sharh al-mumti'. Dans ce sens, la définition linguistique de al-i'tikaf, Cheikh al-Uthaymin nous a évoqué que ce mot-là, il définit le fait de séjourner dans un endroit ou bien d'être dévoué à une chose. Et ce qui en prouve cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il est dit « Ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun » lorsque Allah Azza wa Jal nous raconte les récits d'Ibrahim alayhi salam, dans lesquels Ibrahim alayhi salam, il dit à son peuple: quels sont ces statuts auxquels vous êtes attachés, c'est-à-dire dévoués d'une manière permanente? Ça, c'est le sens de l'i'tikaf. Ukuf. Antum laha aakifun. Vous êtes attachés d'une manière permanente. Wa shar'an, c'est-à-dire dans le sens conventionnel de l'islam, al-i'tikaf, comme qala al-allama al-hijawi, yani celui qui a écrit Zad al-mustaqna', il nous dit c'est l'uzum al-masjid ou l'uzum al-masjidin bita'atillahi azza wa jal. C'est de séjourner dans une mosquée en vue de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالاعتكاف à travers la définition de ce halim, on peut voir que l'i'tikaf, c'est un séjour qui doit se faire dans un endroit bien précis qui sont les mosquées. Et dans un but qui est bien précis, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal, bita'atillah, wa rujou' ilayhi, de revenir à lui, et de se replier totalement à Allah Azza wa Jal par la pratique du dhikr, de la lecture du Coran, et d'autres parmi les ibadat al-jalila. Donc l'i'tikaf, c'est en quelques lieux s'isoler. Lakin s'isoler dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal dans un endroit qui est bien précis, qui est al-masajid. Car le simple fait de s'isoler pour éviter les gens, ceci n'est pas un i'tikaf. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaym, alayhi rahmatullah, celui qui s'isole dans la mosquée pour éviter les gens, pour éviter la nuisance des gens, et il ne vise pas par cela l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ça s'appelle une uzla. Ça s'appelle le fait de s'isoler et non pas le fait de séjourner dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad al-Ma'ad, il nous montre le principe et la valeur que contient et sur lequel repose l'i'tikaf. Pourquoi la personne fait l'i'tikaf? Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous souligne yani un très très important à observer, un principe à observer dans l'i'tikaf. Il nous dit, alayhi rahmatullah, j'ai directement traduit, il nous dit que l'i'tikaf, il a été légiféré à titre, il nous dit, c'est à titre d'assainissement des cœurs et de leur droiture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'i'tikaf. Donc il y en a pour assainir les cœurs et afin de redresser ce que peut-être on peut vous trouver dans certains cœurs comme déviation. Comme il nous dit, c'est à titre d'assainissement et que de droiture que l'i'tikaf il a été légiféré. Car nous dire, alayhi rahmatullah, il y a à travers l'i'tikaf un bon intermédiaire afin que les cœurs se replient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi l'i'tikaf, particulièrement, il a été légiféré en ce mois de Ramadan, car il y a dans ce mois de Ramadan, dans ce jeûne qu'on pratique dans ce mois de Ramadan, pour celui qui souhaite s'isoler, séjourner dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal pour pratiquer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son i'tikaf, il y a pour lui une aide supplémentaire afin que son cœur soit totalement replié à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous dit la boisson, les aliments, les relations conjugaux et autres, parmi les délices de ce bas monde, sont des choses qui diminuent le repliement total des cœurs et qu'ils doivent avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous dire, alayhi rahmatullah, les délices d'ici, de la vie d'ici-bas, lorsqu'ils se mélangent à la dévotion qui veut être vouée par Allah Azza wa Jal, ceux-ci vont freiner le pas au repliement des cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit qu'avec il ajoute à cela que Allah Azza wa Jal, afin de parfaire ce repliement et cette valeur qui contient dans l'i'tikaf, il a choisi pour accueillir cette grande adoration qui est l'i'tikaf les endroits qui sont les plus aptes et les plus établis afin de pouvoir parfaitement se replier à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les mosquées. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul bilad ila Allah masajidullah. Les meilleurs endroits, ce sont les mosquées, celles qui ont été bâties pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit, pour conclure, qu'il n'est connu du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a pratiqué cette coutume, qui est l'i'tikaf, qu'en état de jeûne. Ceci pour souligner que cette valeur qui contient l'i'tikaf, qui est le repliement vers Allah Azza wa Jal, lorsque tu jeûnes, il y a un essai, une aide pour toi, et tu seras plus à même d'être mieux replié. Donc il nous montre, Cheikh Ibn Qayyim, que la valeur de l'i'tikaf et le principe de l'i'tikaf, c'est que les personnes qui le pratiquent doivent le faire pour se replier vers Allah Azza wa Jal. Et non pas faire des mosquées un camp d'amusement ou bien une cafétéria où on se retrouve pour discuter, pour se raconter les choses, les bas les vernes parmi les choses de la vie d'ici-bas. Chacun doit être dans un côté et pratiquer l'adoration d'Allah Azza wa Jal et se replier totalement à Allah Azza wa Jal par le dhikr, par la lecture du Coran et par les autres adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi j'ai souhaité souligner ce point qui est très important, car on voit dans certaines mosquées que cette valeur-là, elle est un peu oubliée. Les mosquées se transforment un peu pendant les mois de Ramadan, surtout au moment de l'i'tikaf, en cafétéria, en terrasse, où ça raconte un peu n'importe quoi. Donc la valeur du al-i'tikaf, ayya al-ikhwa, c'est de se replier, de revenir vers Allah Azzawajal. De revenir vers Allah Azzawajal. Ça, c'est un principe parmi les principes pour lesquels al-i'tikaf, il a été quoi ? Il a été légiféré. Et l'autre hikmah, l'autre sagesse pour laquelle al-i'tikaf, il a été légiféré, c'est afin que ceux qui sont dévoués à vouloir attraper cette grande nuit qui est la nuit du destin, ils trouvent en ce i'tikaf une aide afin que ce grand mérite, cette grande faveur qui est Laylatul Qadr, ne leur échappe pas et ne leur passe pas sur le nez. Il a été authentifié de Aïcha, le hadith est le muttafaqan alayhi, anna an-nabi sallam kana ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait l'i'tikaf dans les 10 derniers jours de Ramadan, et cela afin de pouvoir attraper Laylatul Qadr, comme cela va être évoqué. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. La nuit du destin, pour ceux qui cherchent à pouvoir être présent en cette nuit-là, s'ils cherchent, ils la cherchent et ils veulent la trouver, elle se trouve dans les 10 dernières nuits. Comme l'a évoqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iltamisouha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et parmi ces 10 derniers jours, les nuits qui sont plus à même à ce que la nuit du destin tombe dans ces jours-là, ce sont les 7 derniers jours des 10 derniers jours de Ramadan. كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. Celui qui cherche à vouloir faire présent ou être présent pour la nuit du destin, Laylatul Qadr, qui recherche cette nuit-là dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Et parmi ces 7 dernières nuits, les nuits qui sont les plus à même à ce que Laylatul Qadr tombe dedans, c'est les nuits impaires. C'est les nuits impaires. Comme cela a été authentifié, selon Aïcha radhiyallahu anha, ou plutôt les nuits impaires des 7 dernières nuits. Comme cela a été authentifié de Aïcha radhiyallahu anha, selon l'imam al-Bukhari, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, taharraw Laylatul Qadr, في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Rechercher la nuit du destin dans les dix derniers jours impairs de Ramadan. Dans les 10 derniers jours impairs de Ramadan. Et parmi ces jours impairs de Ramadan, ces 7 derniers jours, on a pu voir que la nuit du destin, elle est plus même à tomber dans les 7 derniers jours. Et parmi ces 7 derniers jours, les nuits impairs. Et parmi ces nuits impairs, la nuit qu'il a qui est plus probable parce que Laylatul Qadr tombe dedans, c'est la 27e nuit. C'est la 27e nuit. Comme cela a été, ou plutôt il y en a des hadiths qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils ont été attribués à lui, lakin ils ne sont pas authentiques. La vérité est que ces hadiths-là qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la nuit la plus probable parce que Laylatul Qadr tombe dedans, c'est la 27e nuit. Ces hadiths-là, ils ne sont pas attribués au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin à certains de ses compagnons. Comme l'a évoqué l'imam Dharqutni, wal-hafidh ibn Hajar, wa kadhalika Sheikh Muqbil, alayhi rahmatullah. Il dit que tous les hadiths marfou'a, c'est-à-dire ceux qui sont attribués au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il est dit, il est prétendu qu'il a évoqué la nuit bien précise, qui est la 27e nuit, dans laquelle va tomber Ramadan, c'est plutôt Laylatul Qadr, ces hadiths-là, ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas attribués au prophète, alayhi salam. Lakin, il y a des athars de Sahaba qui nous indique que la 27e nuit, la nuit la plus probable, c'est la 27e nuit. Comme cela a été authentifié de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, annahu halafa annaha laylata 27. Il a juré par Allah Azza wa Jal que laylat al-qadr, c'est la nuit, la 27e nuit de Ramadan. Et ce hadith, c'est plutôt athar, il est reporté par l'imam muslim. Wa kadhalika ja'an Umar radiyallahu anhuma, ibn Umar plutôt, son fils, عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا قال يا رسول الله إني يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسابعة. Une personne selon le hadith de Omar qui est authentifié par l'imam Ahmed a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit je suis une personne qui rencontre certaines difficultés, c'est-à-dire à pouvoir prier toutes les nuits, toutes les dernières nuits. Il lui a dit, pourrais-tu m'indiquer une nuit dans laquelle je vais espérer pouvoir attraper la nuit du destin? Et le prophète sallam lui a dit, la'allallah an yakuna fi, naham, il lui a dit, alayka bi as-sabi'a. Il a dit, naham, que la septième nuit ne te file pas sous le nez, si on peut traduire cela par ce sens-là. Donc la septième nuit des dix dernières nuits, c'est la 27e nuit de Ramadan. Ces hadiths-là nous prouvent que la nuit qui est la plus probable d'être la Laylat al-Qadr, c'est la 27e nuit, parmi les nuits impaires, parmi les sept dernières nuits, parmi les dix derniers jours de Ramadan. Lakin, on ne peut pas trancher et dire que les nuits du destin tombent tous sur le 27. Car il y a des hadiths qui nous prouvent le contraire. Hadith Abu Sa'id al-Khudari, radiyallahu anhu, dans lequel nous a évoqué que la nuit du destin était tombée un jour, la 21e nuit de Ramadan. Et ce hadith-là, plutôt Athar, il est plutôt dans le recueil de Bukhari et Muslim. Et كذلك hadith Abdullah ibn Unais, qui nous dit qu'elle est tombée dans la 23e nuit de Ramadan. Et كذلك, comme on a pu le voir dans la Muqaddima, plutôt dans la première partie des signes principaux de la Hizbiyya, on a évoqué un hadith dans lequel Allah Azza wa Jal, il faisait descendre les livres, ses révélations pendant le mois de Ramadan. Et il a fait descendre le Coran après 23 nuits passées de Ramadan. Donc, et c'est ma'ruf, le Coran est descendu pendant la nuit du destin. Comme a dit Allah Azza wa Jal, إِنَّ نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ. Quelle est cette nuit bénite? Comme a dit Allah Azza wa Jal, lui-même il a expliqué cela. قال الله سبحانه وتعالى إن نزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons descendu dans la nuit du destin, et le Coran. Quant à l'i'tikaf, il est légiféré dans les mosquées. La personne qui fait un i'tikaf pendant Ramadan ou autre, dans une maison ou bien dans un endroit autre que les mosquées, son i'tikaf ne sera pas valable. Car Allah Azza wa Jal a conditionné que l'i'tikaf soit dans les mosquées. Donc ça c'est une condition afin que l'i'tikaf soit accepté, qu'il soit fait dans une mosquée. Et on va voir qu'est-ce qui évolue par la mosquée. قالوا سبحانه وتعالى يدل على le conditionnement de la mosquée. فقال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Et ne pratiquez pas les rapports conjugaux alors que vous êtes dans les mosquées. C'est alors que vous pratiquez la retraite pieuse dans les mosquées. Il y a un hadith qui est venu dans lequel qui a attribué au prophète صلى الله عليه وسلم selon Hudhayfa ibn Yaman, dans lequel il dit l'i'tikaf illa fi masajid salaf. Il n'y a l'i'tikaf n'est valide que dans trois mosquées, c'est-à-dire Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi ou Masjid al-Aqsa. L'i'tikaf il est valable que dans trois mosquées, qui sont les trois mosquées les plus connues, Masjid al-Haram, al-Nabawi ou كذلك Masjid al-Quds, celui qui est en Palestine. Lakin ce hadith al-Sahih, c'est qu'il est plus juste de juger qu'il est attribué à Hudhayfa ibn al-Yaman. Et ceci pour trois raisons. La première des raisons, c'est que le hadith qui est marfour, c'est-à-dire dans lequel il est prétendu être attribué au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a été évoqué ce hadith-là, ou plutôt Hudhayfa ibn al-Yaman, il s'est plaint à Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, de la pratique de certaines des personnes qui avait fait l'i'tikaf dans une mosquée entre le marché et la maison de Abu Sa'id al-Khudri, ou bien Abu Moussa, un des deux. Donc il est venu pour réprimander cet acte-là et se plaindre à Ibn Mas'ud. Il a dit, ne vois-tu pas ce que font ces gens, ce que pratiquent ces personnes-là? Et il lui a dit, la'allahum hafidhu wa anta nasita, ou annahum asabu wa innaka akhta'ta. Il a dit, c'est peut-être plutôt toi qui t'es trompé et ce sont eux qui sont sur la vérité, ou bien peut-être que c'est eux qui ont dans leur mémoire est mieux conservée et la tienne plutôt yani, et toi tu oublies. Donc en gros il a pris en partie ou plutôt en considération ce qu'il lui a dit, que les mosquées en plus de l'artikaf ils ne se faisaient que dans 3 mosquées. Le deuxième argument, c'est que dans certains riwayats ce hadith là, ce texte là, il n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin il est attribué à Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est-à-dire que le texte ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin à Hudhayfa ibn al-Yaman. Et dans d'autres riwayas, certains des rapporteurs doutent. Certains d'entre eux disent qu'il est attribué au prophète et d'autres disent qu'il n'est pas attribué au prophète. Dans ce cas-là, les ulama, ils ont vu que et certains même hatta des hadiths dans lesquels ils sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont da'if. Donc ils ont dit que le marfou, c'est-à-dire le texte qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ces 3 arguments-là, nous prouve vraiment que ce hadith-là, il n'est pas attribué au prophète alayhi wa sallam, lakin il est authentifié et attribué à Hudhayfa ibn al-Yaman. Et ils nous disent maintenant, certains des ulama, ils disent, cela n'enlève pas que Hudhayfa a jugé que l'i'tikaf n'était valable que dans 3 mosquées. Et ils ont dit, ce qui est voulu par là, c'est la perfection. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas une récompense que tu trouveras dans la pratique de l'i'tikaf dans ces 3 mosquées-là. Si jamais tu l'as fait ailleurs dans d'autres mosquées que ces 3 mosquées-là, tu seras récompensé la quinte d'une récompense qui sera moindre que si jamais tu l'avais fait dans l'une de ces 3 mosquées-là. Ils ont dit, ce qui est voulu bin nafi, c'est-à-dire la négation lorsqu'il dit l'i'tikaf, il n'y a pas de l'i'tikaf, c'est ce qui est voulu par là, c'est nafi al-kamal. C'est de réfuter ou plutôt de montrer que la récompense totale elle ne sera pas attribuée aux personnes qui ont pratiqué l'i'tikaf dans une mosquée autre que ces 3 mosquées-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la iman liman la amanata lah. Personne n'aura la foi, ou plutôt la foi d'une personne ne sera valide si jamais elle n'a pas ou plutôt elle n'a rempli pas ses dépôts. Remplit pas ses engagements. C'est ma'rouf, le fait que tu délaisses un engagement, à partir du moment que c'est pas de délaisser shahadatayn, parce que c'est un engagement, ça fait pas partie des choses qui te font sortir de l'islam. Ça, c'est ma'rouf. Malgré cela, Nabi Sallam, il a dit quoi? La iman. Pas de foi. Là, qui nous ont dit, c'est quoi? Il n'a pas la foi complète. Celui qui ne tient pas ses engagements n'a pas la foi complète et non pas, il n'y en a que sa foi, elle est invalide. Ils ont dit, ce texte-là, il est semblable à ce texte-là, donc, celui qui pratique l'i'tikaf dans une autre mosquée que ces 3 mosquées-là, sa récompense sera moindre. Lakin, celui qui le pratique dans une de ces 3 mosquées-là, son i'tikaf il sera d'une récompense qui est meilleure. Pourquoi? Parce qu'il va prier dans ces mosquées-là. Et la prière dans la mosquée de Masjid Haram, c'est 100 fois, c'est 100 000 fois mieux. Et dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1000 fois mieux. Dans la mosquée de l'Aqsa à Philistine, c'est 100 fois mieux que dans d'autres mosquées. Voilà pourquoi il est meilleur. Donc, le faire de l'i'tikaf dans une mosquée, autre que ces 3 mosquées-là, c'est légiféré. Lakin, il est conditionné que ces mosquées-là, ce sont des mosquées dans lesquelles la prière en commun, elle est observée. Car celui qui va dans une salle de prière, dans un endroit où la prière, elle est pas, plutôt la prière en commun, elle n'est pas observée. Cette personne-là, elle va être obligée de quoi? De sortir pour aller pour assister à la prière en commun. Et le fait de sortir, faire beaucoup d'allées et va, tamam, beaucoup de va et venu, ça c'est une chose qui va à l'encontre de l'i'tikaf. Comme on va le voir, l'i'tikaf c'est que tu séjournes, tu stagnes dans cet endroit-là jusqu'à ce que vienne la fin de l'i'tikaf. Donc le fait de faire des allers-retours entre cette mosquée-là et l'autre mosquée, ça va à l'encontre de la valeur qu'est l'i'tikaf, c'est-à-dire de rester, de séjourner dans la mosquée dans laquelle tu as mis l'intention de faire ton i'tikaf. Donc il faut que tu choisisses un endroit où les prières en commun sont faites. Si jamais c'est pas le cas, tu peux pas, faire l'i'tikaf, parce que ça va aller à l'opposé de cette valeur qu'est l'i'tikaf, c'est-à-dire de rester dans la mosquée. Comme on va le voir, le fait Si jamais tu sors pour une raison qui n'est pas valable, de ton irtikaf, de ton mu'takaf, de l'endroit où tu as fait l'irtikaf, ton irtikaf il sera invalide. Ce qui nous prouve cela, il y a la parole de Aïcha, radiallahu anha, anha qalat l'irtikaf illa fi masjidin jami'. Pas d'irtikaf, à l'exception si jamais il est fait dans un mosquée dans lequel il est pratiqué la prière en commun. Là, ce qui est voulu par l'irtikaf, c'est quoi? Il y en a l'invalidité. Pourquoi? Comme on a pu le voir, parce que le fait que tu, si jamais tu restes dans la mosquée pour faire ton irtikaf, ça veut dire que tu ne vas pas sortir pour faire la prière en commun. La prière en commun, elle est obligée. Donc tu vas délaisser un wajib. Donc tu seras asim. Et le fait que tu sors, tu fais des allées-venues, ça va faire quoi? Kazalika annuler ton irtikaf. Car le fait de sortir pour une raison qui n'est pas valable, eh ben, ça va annuler ton irtikaf. Certains de ulama, ils voient que si jamais tu ne trouves pas d'autres endroits pour cela, il était possible de faire l'irtikaf dans cette si tu ne trouves pas de mosquée dans laquelle ou plutôt peut-être c'est loin, tu as une grande difficulté à aller à la mosquée où ils pratiquent la prière en commun, t'as-même. Ou bien si jamais tu veux faire toi l'irtikaf et il n'y aura personne qui va te ramener ta nourriture pour rompre ton jeûne, et t'as ni kazalika des magasins qui sont à ta disposition, quand même, dans ce cas-là, si jamais il y a une moussalla à côté de chez toi, là-bas, que tu le fais. Et si tu peux trouver des gens pour prier dans cette moussalla en commun, ça c'est mieux. Quant aux femmes, il n'est pas légiféré pour elles de choisir une mosquée dans laquelle elles pratiquent la prière en commun, car la prière en commun pour les femmes, c'est ma'rouf, c'est pas une chose qui est obligatoire. Donc si jamais elle prie dans un lieu de prière, à fond l'irtikaf dans un lieu de prière, il y en a leur irtikaf, il sera sahih, il sera validé. Car la salat al-jama'a, la prière en commun n'est pas obligatoire pour les femmes. Parmi les mas'alas qu'ils ont évoquées, est-il légiféré, ou plutôt est-il conditionné à celui qui fait l'irtikaf de jeûner? Est-il conditionné de jeûner? Non, il n'est pas conditionné de jeûner. Lakin, c'est mieux de jeûner lorsque tu fais l'irtikaf, comme on a pu le voir, car c'est une aide qui va t'aider à être beaucoup plus replié, car comme c'est ma'rouf, inna shaytan yajri majra ad-dam fi ibn adam. Shaytan, il circule à travers les veines de Ben Adam, yani pour le pervertir, à travers la boisson et les aliments qui ouvrent les portes à Shaitan pour qu'il vienne te chambouler avec les passions de la vie d'ici-bas et les délices de la vie d'ici-bas. Donc de jeûner, comme on a pu voir à travers la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est une aide qui va t'aider à te replier mieux dans ton irtikaf. Donc c'est mieux de le faire. Et le prophète, comme on a pu le voir à travers la parole d'Ibn Qayyim, il n'est pas connu du prophète sallam qu'il a fait l'irtikaf sans être en état de jeûne. Donc il est mieux de jeûner. Quant au hadith, ou plutôt la parole de Aïcha, l'irtikaf, il l'a bussiyam, boussom, ça c'est, elle veut nous dire que c'est meilleur, c'est meilleur. Que, il n'y a pas d'irtikaf, à l'exception si jamais tu fais un jeûne, elle veut nous dire par là qu'il n'y a pas d'irtikaf qui soit meilleur, lorsque tu fais le jeûne. Amma, qu'on dit, si jamais tu fais l'irtikaf et tu ne jeûnes pas, que ton irtikaf il est invalide, ça c'est pas vrai, car on a des hadiths qui nous prouvent le contraire. Hadith, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel, il a dit أنا, أو, قال, إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. Il dit Omar ibn Khattab رضي الله عنه نعم, une nuit, ou plutôt avant, dans la jahiliya, avant l'islam, j'avais fait le vœu de faire un irtikaf une nuit dans le masjid al-haram. Et le prophète il a dit tiens à tes engagements. Donc le fait qu'il a dit tiens à tes engagements sans lui dire que jeûne pour cela, ceci nous prouve que l'irtikaf, ou plutôt al-siyam, c'est pas une chose qui est conditionnée lorsque tu veux faire l'irtikaf. À partir de quel moment le mu'takif, celui qui veut faire pratiquer l'irtikaf, il doit rentrer dans l'irtikaf? Il rentre, selon l'avis le plus juste, à partir du coucher du soleil du 20e jour. Le 20e jour de Ramadan, après ce 20e jour, c'est-à-dire la 21e nuit, à partir de ce moment-là, lorsque le soleil se couche, parce que après que le soleil s'est couché, tu rentres dans une nouvelle nuit. On dit la première nuit, ensuite la première journée. Ensuite la deuxième journée, la deuxième nuit. Hakada, c'est ainsi qu'ils dénombrent les Arabes. C'est-à-dire que après le 20e jour, c'est la 21e nuit. Lorsque le soleil se couche là, à partir de ce moment-là, il est légiféré de rentrer dans ton mu'takaf, c'est-à-dire de rentrer en irtikaf. Ce qui nous prouve cela, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, annahu kana أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف في العشر الأوساط يلتمس ليلة القدر. Le prophète صلى الله عليه وسلم une fois a recherché la Laylat al-Qadr à partir du dixième jour de Ramadan. Après que dix jours soient passés de Ramadan, à partir de ce moment-là, yani, il a commencé à vouloir chercher Laylat al-Qadr. ثم بانت له أنها في العشر الأواخر من رمضان. Et ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, yani, il a su qu'il fallait la chercher dans les dix dernières nuits de Ramadan. فقال من اعتكف معي فليبت في معتكفه. Le prophète, lorsqu'il est rentré dans les dix derniers jours de Ramadan, il a dit aux personnes qui avaient fait l'artikaf avec lui auparavant, il a dit donc, yani, rentrez dans votre mu'takaf. Yani, falyabit mu'takifahu. C'est-à-dire que rentrer, falyabit, c'est-à-dire au moment où il fait nuit. Al-baytuta, c'est au moment où il fait nuit. Donc, ceci nous prouve qu'ils sont rentrés dans le mu'takaf, dans l'endroit où ils font l'artikaf, après que la nuit soit tombée. Et ça, après que la 20e journée soit passée. Quant au hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel il dit qu'Anna, al-Nabi sallam, idha arada an ya'takifa al-ashr al-awakhir min Ramadan, salli al-fajr summa dakhala mu'takafa, muttafaqun alayhi. De ce hadith-là, il évoquait que le prophète, alayhi sallallahu alayhi, lorsqu'il voulait pratiquer l'i'tikaf, il priait salat al-fajr, et ensuite, il rentrait dans son mu'takaf, dans l'endroit. Dans sa tente, dans l'endroit où il fait son irtikaf. Ce qui est voulu, et plutôt dans certaines catalyques, certaines versions, il est dit Anahu kana yatawajjah ila mu'takafihi ba'da salati al-fajr min kulli sabihatin awakhiri al-ashr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigeait vers sa tente, l'endroit où il faisait al-irtikaf, après qu'il ait prié toutes les salats de fajr, après qu'il ait prié salat al-fajr. C'est à ce moment-là que le prophète, il se dirigeait vers sa tente. Les ulama ont pris de ce hadith-là pour expliquer l'autre. C'est-à-dire que on ne comprend pas à travers le hadith d'Aïcha dans lequel il est dit que Nabi Sussalam faisait l'artikaf après qu'il priait Salat al-Fajr. Que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire après le Salat al-Fajr, que tu dois rentrer dans le mu'takaf, dans ton endroit où tu fais l'artikaf. Ils ont dit non, ce qui est voulu par là, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait après Ghuroub al-Shams, c'est-à-dire après la 20e journée, la 21e nuit, lorsque le soleil s'est couché, à partir de ce moment-là, il avait l'intention de rentrer en irtikaf. Ensuite, après cela, il priait le Maghrib, après cela, il priait Al-Isha, et ensuite, il faisait Tarawih, ou plutôt Naam, il faisait Qiyam al-Layl, et après qu'il ait fini, et qu'il ait prié la Salat al-Fajr, c'est à ce moment-là qu'il rentrait dans sa tente. Donc, ce qui est voulu, lorsqu'il finissait, ou qu'il avait accompli la Salat al-Fajr, c'est-à-dire que lorsqu'il finissait la prière de l'aube, de l'Fajr, c'est à ce moment-là qu'il rentrait dans sa tente. Il rentrait dans sa tente et non pas à ce moment-là qu'il avait l'intention de rentrer en i'tikaf. Donc, différence entre les deux. La vie qui est sahih, c'est que c'est les dix derniers jours, c'est-à-dire la 21e nuit, lorsque le soleil s'est couché, tu dois rentrer dans le masjid. Tu dois rentrer dans le masjid avec l'intention de rester dans ce mu'takaf-là. Parce que si jamais tu pries, si tu restes la 21e nuit, la 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e nuit, ça fait combien? Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Plutôt 10 nuits. Ah, mais l'inverse, non. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils rentrent à partir de la 21e, journée, c'est-à-dire qu'il va se présenter à la 22e nuit, 23e, et la khiri, ça va faire combien? 9. Donc quoi qu'il en soit, il ne pourra pas pratiquer les dix dernières nuits. Il ne pourra pas l'éveiller les dix dernières nuits parce qu'il sera rentré la 22e nuit et ça fera un chiffre de 9. 9 nuits passées. Donc ce n'est pas possible parce que le prophète sallam, il l'a cherché dans les dix dernières nuits. Les choses qui impliquent au mu'takif, celui qui est en i'tikaf, comme on a pu le voir, c'est qu'il se dévoue à Allah azawajal par la lecture du Coran, en se repliant à Allah azawajal, en se recueillant à Allah azawajal par sincérité, par le rappel d'Allah Azzawajal, par la lecture du Coran et autres, parmi les actes d'adoration, avec un cœur qui est totalement replié à Allah Azzawajal, en s'écartant des paroles futiles qui n'ont pas de nécessité, en s'écartant de ces paroles-là, car ces choses-là vont à l'encontre de cette valeur qui est le repliement des cœurs pendant ce moment-là, qui est l'irtikaf. Kadhalika, il n'incombe pas à la personne de sortir sans raison valable, sans nécessité. Si jamais il sort sans nécessité, comme on va le voir, Inch'Allah, son irtikaf il est invalide. Maintenant, s'il sort pour aller aux toilettes, même, pour accomplir ses besoins, ça c'est une chose qui est, il est nécessaire pour lui. Ou s'il ne trouve personne qui lui ramène le repas pour rompre le jeûne, kadhalika pour prendre un sahur, kadhalika il le légiférerait à cette personne-là s'il trouve vraiment personne. Lakin, c'est ce qui est demandé, cette ta'ab ou l'entraide. S'il trouve personne, il a droit d'aller au petit dukkan, si jamais il le trouve à côté de chez lui, à côté de la mosquée, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ama s'il sort pour une raison qui n'est pas valable, son irtikaf est invalide. Kadhalika lui est, comme on a dit, il est légiféré de pouvoir discuter avec les gens, lakin pas d'une manière abondante. Et surtout pas dans les choses qui sont futiles et qui n'ont pas de profit pour toi dans la vie d'ici-bas, kadhalika dans le-delà. Donc kadhalika, ça incombe aux personnes qui ne sont pas mu'takif de ne pas venir nuire à celui qui est mu'takif, celui qui est dans l'irtikaf. De venir le nuire et de l'occuper avec des paroles qui sont futiles. Si jamais tu veux parler à ton frère, c'est dans l'utilité. Tu passes le salam, comment il va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je prenne le mushaf pour toi pour que tu puisses réviser ceci et cela? Si jamais c'est autre que cela, les choses qui n'ont pas de futilité, et iyakum wa iyakum, prenez garde de al-kalam al-haram, surtout dans les mosquées dans lesquelles il est légiféré le rappel d'Allah azawajal et la lecture du Coran, de proliférer des choses ou bien de calomnier un frère ou bien de dire des choses qui sont haram, car yani ça va à l'encontre de cette valeur qui est le siyam et kadhalika à l'encontre de cette valeur qui est l'irtikaf, et surtout dans les mosquées dans lesquelles elles n'ont pas été établies pour ces choses-là. Et la personne qui rentre en irtikaf, yalzamuhu al-iqama, c'est-à-dire qu'il doit rester dans l'irtikaf, dans son mu'takaf, jusqu'à ce que vienne la nuit de la première nuit de Shawwal, c'est-à-dire lorsque s'accomplit, s'achève le mois de Ramadan. Il doit rester lakin. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Lakin, c'est meilleur pour lui. Car comme on a pu le voir, c'est afin, c'est pour lui un repliement de son cœur, et afin kadhalika de pouvoir assister à cette nuit du destin dans laquelle il cherche à être présent. Lakin, si pour une raison ou une autre, il est amené à sortir et ne pas pouvoir continuer son irtikaf, ça c'est tout à fait valable. Comme le prophète a été authentifié, il y a une fois, il avait planté sa tente, c'est-à-dire l'endroit où il se repliait envers Allah Azzawajal. Et ensuite, Aïcha est venue, a mis sa tente à côté de lui. Ensuite, Hafsa est venue, elle a mis sa tente à côté de lui. Ensuite, Zaynab est venue, radiyallahu anhum, ils ont tous planté la tente à côté de lui. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-birru turidna, voulez-vous la bienséance et le bienfait? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a levé sa tente et il est sorti de son mu'takaf. Et ensuite, il a rattrapé les jours qu'il n'avait pas accomplis pendant ces 10 dernières nuits. Dans le mois de Shawwal, dans le mois de Shawwal. Lakin, ça nous prouve que celui qui, pour une raison ou autre, a vu qu'il était meilleur pour lui de sortir de l'irtikaf, il est mieux pour lui de faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de récupérer ces jours qu'il a loupés. C'est mieux. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah azza wa jalla, il aime les œuvres qui sont continues. Kana habbu al-amal ilayhi ma da wa ma sahibu alayhi. Allah Azza wa Jal, il aime les œuvres dans lesquelles la personne elle est assidue. Wa kadhalika qala subhanahu wa ta'ala wa la tubtilu a'malakum, et ne n'invalidez pas vos œuvres. Allah Azza wa Jal, il exhorte à ne pas faire cela, surtout si jamais il n'y a pas une raison pour cela qui est valable. Lakin, c'est pas une obligation de pouvoir rattraper ce jour-là si jamais tu les as loupés, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été connu dans ce hadith qui est authentique, que je vous citais, dans lequel Aïcha wa Hafsa wa Zainab radiyallahu anhu nous sont venus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans cela une nuisance, tant qu'il a levé la tente. Il n'a pas ordonné à ses kadhalika après eux, ces femmes, ils ont levé kadhalika leur tente. Il n'a pas été évoqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses femmes de rattraper ces jours d'irtikaf. Il n'a pas ordonné cela, donc ceci nous prouve que ce n'est pas une obligation, laquelle c'est préférable, car le premier degré des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que c'est une recommandation. Les choses qui annulent le siyam, ou plutôt je veux dire l'irtikaf, c'est que tu le fasses dans un endroit autre qu'une mosquée, comme on a pu le voir. وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, et ne pratiquez pas les rapports conjugaux alors que vous êtes mu'takif dans les mosquées. Et Ibn Munzir, rahimahullah ta'ala, il a évoqué كَذَلِكَ Ibn Qadama وَالْقُرْطُبِي لِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ, les savants sont tous unanimes que celui qui pratique l'irtikaf dans un endroit autre que la mosquée, son irtikaf sera invalide. Kadhalika, les choses qui invalident l'irtikaf, c'est les rapports conjugaux. comme ça a été évoqué dans cette ayah, ne pratiquez pas les rapports conjugaux. Et Kadalika est un ijma' par rapport à cela. Celui qui pratique le rapport conjugaux dans les mosquées, en irtikaf, ceci invalide la prière, invalide l'irtikaf. Kadalika, le fait de sortir, sans raison valable, ceci invalide Kadalika à l'irtikaf, ceci invalide Kadalika à l'irtikaf. Que tu l'aies fait une fois ou 10 fois. À partir du moment que tu n'avais pas de raison pour cela, amma si tu as oublié, c'est une autre chose. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Amma si jamais tu l'as fait volontairement, tu es sorti volontairement, pour une raison qui n'est pas valable, ton irtikaf, il sera invalide. Quand est-ce que se finit l'irtikaf? Il se finit lorsque le mois de Ramadan il s'achève. Car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il cherchait la nuit du destin, c'est pour ça qu'il rentre en irtikaf, dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc à partir du moment que Ramadan s'est fini, la cause pour laquelle Anabi Sussan il a fait l'irtikaf, elle n'est plus présente. Donc la raison pour laquelle il a fait l'irtikaf, Kadalika, elle ne doit plus être présente, car on est rentré dans un nouveau mois qui est quoi? Le mois de Shawwal. Donc à partir du moment qu'il rentre dans la nuit de Shawwal, la première nuit de Shawwal, à partir de ce moment-là, il lui est légiféré de sortir, et c'est une chose qui est préférable. Certains de ulama, ils ont dit que c'est mieux qu'il reste la dernière nuit, la nuit de Shawwal, dans la mosquée. La kinas sahih, c'est que Shawwal c'est un mois et Ramadan c'est un autre mois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'irtikaf pendant le mois de Ramadan, mois qui s'est achevé, donc l'irtikaf kadalika s'achève avec la fin de ce mois. Donc après cette nuit là, c'est à dire Laylat al-Ula min Shawwal, on rentre dans la nuit, ou plutôt dans Yom al-Eid, le jour de fête. Yom Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Et Eid al-Fitr, c'est une fête parmi les 5 fêtes de l'islam. Dans l'islam, walhamdulillah, nous avons 5 fêtes. Qui sont Eid al-Adha, la plus grande Eid, on l'appelle aussi kadalika Eid al-Akbar. C'est-à-dire lorsque tu vas, les personnes sacrifient les bêtes. Eid al-Fitr, à l'occasion de la fin du Ramadan. Yom Arafah. Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent Eid al-Adha, et kadalika Yom al-Jum'ah. Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Ayyam al-Tashriq, Yom al-Arafah wa Yom al-Jum'ah. Ce sont les Eid de l'Islam. Ce qui nous prouve cela, hadith Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أبدى لكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. رواه أحمد. C'est un hadith qui est authentique, dans lequel il dit, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est venu à Médine, c'est les gens de Médine avaient 2 jours dans la jahiliya dans lequel pratiquaient les fêtes. Tamam. Et il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah عز وجل vous a remplacé ces 2 fêtes là qui étaient pratiquées avant l'islam par 2 autres fêtes qui sont يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى. Donc ceci nous prouve que ce sont des عيد. Ce qui nous prouve que يوم عرفة c'est un عيد كذلك ويوم أيام تشريق. Le hadith qui a été rapporté sur Ahmed est authentifié par Cheikh Mongbel, dans lequel il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأيام تشريق عيدنا يا أهل الإسلام يوم أكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم que يوم عرفة les jours de تشريق, ce sont 2 jours de fête pour l'islam. Dans l'islam, ce sont 2 jours où il est légiféré de boire et de manger. Al-Jumu'ah, un hadith qui a été authentifié kadalika par Tabarani et authentifié par Cheikh Zayd, waffaqahu Allah, dans lequel il dit nazala Jibril alayhi salatu wassalam fi wa fi kaffihi kal-mir'a al-bayda wa fi wasatiha kan-nuqtati as-sawda. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه يا جبريل أي ما هذه نقطة السوداء في وسط المرأة البيضاء فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا. Lorsque le prophète Jibril est descendu avec un miroir tamam blanc dans lequel il se trouvait un point noir dans le milieu, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit quel est ce point noir. Jibril lui a dit ce point noir est le Jumu'a que ton Seigneur te présente afin qu'il soit un jour de fête pour vous. Donc ce hadith nous prouve que c'est un jour de fête. Dans ces jours-là, ces jours de fête, que ce soit Yom al-Fitr, Yom al-Arafah, Yom al-Jumu'ah, Yom al-Tashriq, Yom al-Adha, ce sont des jours, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iduna ya ahl al-Islam, Yom aklin wa shurbin. Ce sont des jours de fête pour nous dans l'islam, des jours où il est légiféré de boire et de manger. Les ulama, ils ont pris de ce hadith-là qu'il est interdit, totalement interdit de de jeûner en ce jour, pendant les jours de fête. Celui qui fait cela aura commis un péché. Il a été authentifié de Amr ibn As, de Hadi et de Abi Sa'id al-Khudri, anna Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a qal de Umar ibn Khattab afwan, et de Sa'id Abi Sa'id al-Khudri, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, ou naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an soum yom al-fitr wa l'adha. Le prophète alayhi wa sallam, muttafaqan alayhi, il a interdit que de jeûner pendant les jours de fête de l'Aïd et kazalika yom al-adha. Et l'imam ibn Qadama rahimahullah ta'ala ainsi que l'Hafid ibn Hajar, ils ont dit que les ulama sont tous unanimes qu'il est interdit de jeûner pendant les jours de fête. Yom al-Aïd al-Fitr, il a été appelé Yom al-Fitr parce que le Fitr en arabe c'est quoi? C'est la rupture. Pour ça qu'on dit Ani al-Futur, pour celui qui va rompre son jeûne. Tamam, al-Futur, c'est le repas par lequel tu vas rompre ton jeûne. Aïd al-Fitr, c'est la Aïd auquel a été annexée la rupture du jeûne. Certains ulama ils ont dit que ça a été appelé Yom al-Aïd. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, tu nourris les pauvres. Comme ça a été venu dans le hadith, Farad al-Nabi sallam zakat al-fitr, tuharatan li sa'imin, wa tu'matan lil masakin. La zakat al-fitr, elle a été légiférée afin de purifier les jeûneurs et de qu'elle soit une nourriture pour ceux qui n'ont pas à manger pour les mesquines. Zakat al-fitr, il y a dans ce jour de Yom al-Aïd, il est légiféré de sortir une zakat qui s'appelle zakat al-fitr. Celle qui est légiférée à la rupture du mois de Ramadan, afin de nourrir les pauvres, comme on l'a évoqué dans ce hadith-là, afin que ce soit une purification pour les jeûneurs, minar rafath wal lahw, afin que ce soit une purification pour eux, des balivernes et des paroles futiles qu'ils ont pu prononcer au cours du mois de Ramadan, pendant les jours et nuits de Ramadan, et kazalika, pour ceux qui ont pratiqué les rapports conjugaux en pleine journée de Ramadan. Lakin, ça ne veut pas dire que ceci comble. Le fait que la personne a pratiqué des rapports pendant Ramadan, pendant les journées de Ramadan. Là. Il doit, comme on a pu le voir dans les dros de Siyam, soit s'il a l'occasion, mais ceci c'est plus le cas, d'affranchir un esclave musulman ou une esclave musulman. S'il ne peut pas, il jeûne deux mois consécutifs. S'il ne peut pas, il nourrit 60 pauvres. Et en plus de cela, zakat al-fitr, puisqu'Allah Azza wa Jalla veut un rahma pour eux, ce sera une purification, un ajout dans la purification de ce péché-là. Mais en aucun cas, la zakat al-fitr, ça comble le fait que la personne a pratiqué les rapports conjugaux pendant la journée de Ramadan, pendant les journées de Ramadan. Zakat al-fitr, celle qui doit être donnée en ce jour-là, c'est une zakat qui est obligatoire. Comme cela a été évoqué par Hadith Umar ibn Khattab ou ibn Umar, son fils, selon Muttafaqan alayhi, anna Nabi sallam qal, farad Allah, ou farad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr, sa'an min tamarin, ou sa'an min sha'irin, على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. Le prophète sallam a prescrit cette zakat al-fitr et il a prescrit pour cela un sa'. Un sa', c'est l'équivalent de 4 poignées de nourriture, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 5 boîtes de conserve dans lesquelles se trouvent les ananas. On a Cheikh Yahya hafidhahullah ta'ala. Et il a acheté une mesure, ou plutôt un pot, dans lequel tu peux mesurer yani, l'équivalent d'un sa'. Et deux, il avait acheté à Mecca, ou plutôt à Médine, enfin en Arabie Saoudite. Et lorsqu'il est venu, comme cette mesure-là n'était pas disponible yani, chez nous ici, au Yémen, il a dit, aïe les rois, j'ai pu mesurer avec les pots d'ananas, et j'ai vu que ça faisait l'équivalent de 5 pots d'ananas, yani, ceux qui sont moyens. Il dit, c'est l'équivalent de 5 pots d'ananas, il y en a qui sont remplis et dans lesquels tu as passé ta main au-dessus. Lakin, celui qui pratique la sunna, c'est-à-dire de prendre ses mains, et ce qui est voulu par là, les mains, ce n'est pas les mains de ta fille, c'est les mains, ni qu'à les cas d'un basketteur, les mains d'une personne qui est d'une taille moyenne. D'une taille moyenne. À ces gens-là, ils prennent 4 poignées, et ces 4 poignées, que ce soit du timbre, que ce soit n'importe quelle nourriture, ça sera suffisant pour donner ça aux pauvres. Donc le Nabi Sussam a dit farada. Farada, c'est une chose qui nous indique que c'est une obligation. C'est beaucoup même plus fort que quoi? Que wajaba. Même si jamais c'est un peu le même sens, là, qu'une farada, ça ne laisse pas le doute au fait que cela indique que c'est une obligation. Donc il a prescrit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est zakat al-fitr. Pour cela, un sa' de tamr, de date, ou bien un sa' de sha'ir, d'orge, pour l'esclave, celui qui est indépendant, c'est-à-dire celui qui n'est pas esclave, à l'homme ou la femme, au petit ou à la personne âgée parmi les musulmans. Donc ceci nous prouve que le kafir, il n'a pas à sortir zakat al-fitr parce que c'est un kafir. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُونَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Et la chose qui a empêché que leur nafaqa, plutôt c'est nafaqa dans l'ayah, c'est pas sadaqa, que leur nafaqa elles ont été acceptées, c'est que ces personnes-là avaient de la mécréance pour Allah azawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment, comme c'est ma'ruf, la condition afin que ton œuvre soit acceptée, c'est que tu sois musulman. Donc le kafir, il a beau donner des tonnes et des tonnes de zakat al-fitr, elles ne seront pas acceptées. La qui ne sera châtiée yawm al-qiyamah pour ne pas avoir cru en Allah azawajal et ne pas avoir donné cette zakat al-fitr. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Qu'est-ce qui vous a précipité dans saqar, c'est-à-dire dans l'enfer? Ils ont dit, on faisait pas partie les kuffars, on faisait pas partie des prières. On a kadhalika pas donné la nourriture aux pauvres. Donc ces personnes-là, ils vont être châtiés par rapport à cela, ils seront jugés. Naam, zakat al-fitr, elle est obligatoire à la personne qui est wahab, musulman, c'est-à-dire l'esclave qui est musulman. Et celui qui doit la donner, c'est qui? C'est son maître. Comme a al-hadith, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, laysa ala al-muslim fi 'abdihi sadaqa illa sadaqat al-fitr. Rawahu Muslim. Dans ce hadith-là, il est dit que le maître ne doit pas donner, n'a pas d'aumône à donner à son esclave, excepté il doit sortir pour lui la zakat al-fitr. Donc ceci nous prouve que celui qui doit sortir zakat al-fitr, c'est qui? C'est le maître de l'esclave, c'est pas l'esclave lui-même. Parce que l'esclave, il ne possède rien du tout. Tout ce qu'il possède, ça appartient à son maître. Kadhalika, al-mar'atu wa al-tifl, la femme et l'enfant, ils n'ont pas à sortir le... Ils doivent sortir zakat al-fitr, lakin c'est pas à eux de sortir cela, lakin c'est à leur tuteur. Que ce soit son père, que ce soit son grand-père, la personne qui s'occupe de ces personnes-là. Que ce soit son mari, tamam. Comme cela nous prouve par le hadith, An-Nabi sallam qala, kafa bil mar ithman an yudayya man yaqutu. Le prophète sallam dit, il suffit comme péché à la personne qui manque d'observer ses engagements par rapport à la pension alimentaire qu'il doit donner. Tamam. Donc ceci nous prouve que les personnes qui sont sous sa responsabilité, ce sont ceux qui rentrent sous sa pension alimentaire. Et ça rentre dedans, kadhalika zakat al-fitr. C'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui rentrent sous sa pension alimentaire, ce sont les personnes qui, à qui il doit donner. À qui il doit donner. Donc ça rentre dedans, kadhalika zakat al-fitr. Parce que ces personnes-là sont sous la responsabilité et sous la pension alimentaire de cette personne-là. Et le hadith est authentique. Authentifié par Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Zakat al-fitr, elle est obligatoire à la personne qui a la capacité de pouvoir la sortir. C'est-à-dire, comme on dit les ulama, c'est la personne qui détient la pension alimentaire de sa famille pour une journée et une nuit. Pour une journée et une nuit. À partir de ce moment-là, qui détient cette pension alimentaire-là pour cette famille-là, et qu'il a en plus de cela, quand même le sa', cette unité par laquelle, cette mesure par laquelle est comptée et déterminée zakat al-fitr, si jamais en plus de cette pension alimentaire-là, il a cette mesure d'aliments, il doit la sortir. Il doit la sortir. Ce qui nous prouve cela, le hadith précédent. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Il suffit comme péché à la personne qui a de la négligence dans la pension alimentaire à qui il doit l'adresser. Et ils nous disent, les ulama, que c'est ma'ruf, la pension alimentaire, c'est celle qui évolue pourquoi la journée et la nuit. Pour cette journée-là. Amma pour demain, on ne sait pas, peut-être qu'il va mourir. Amma la journée, cette journée-là dans laquelle Allah Azzawajal lui a donné vie, il doit donner la pension alimentaire à ces personnes-là. Il doit donner la pension alimentaire à ces personnes-là. Donc le surplus qu'il a, c'est une chose là qu'il peut donner aux miskins. Et si jamais Allah Azzawajal, il lui a prescrit une chose qui est obligatoire de sortir sur le surplus qu'il contient, il doit le sortir car il le détient. Amma demain, c'est un autre jour. Le demain, c'est un autre jour. À part si jamais la personne, vraiment, elle a un relabatouvan, elle pense fortement que ce surplus-là qu'il a en plus de la pension alimentaire qui est suffisante pour la journée et la nuit, il pense que ce suppléant-là, yani, il va être dépensé, pourquoi ? Pour sa famille, le lendemain. À partir de ce moment-là, il est bon qu'à les cas de, à cette personne-là de préserver pour sa famille, malgré que « attawakkul ala Allah » il est demandé. « Law annakum tatawakkaluna ala Allah, haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuku at-tayr » Si jamais vraiment vous aurez placé votre confiance en Allah Azzawajal comme le font les oiseaux, il vous aurait nourri comme le fait les oiseaux. Comme le font les oiseaux, c'est-à-dire que l'oiseau, il vague dans l'air sans se préoccuper d'où il va. Et Allah Azzawajal, il lui prescrit son risque. Tam kadalika ibn Adam. Et ibn Adam, il est plus à même qu'Allah Azzawajal. Il lui donne son risque qu'il a besoin dans la journée, notamment si cette personne-là allait sur la droiture. Quant aux choses qui doivent être sorties, il y a un hadith dans lequel qui est évoqué par Abu Sa'd al-Khudri, annahu qala kunna nu'tiyaha zakat al-fitr fi zaman Nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir aw sa'an min zabib aw sa'an min aqit muttafaqan alayhi. Il disait que nous versions la zakat al-fitr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour cela nous versions ce qui était versé, c'était quoi? De la nourriture, que c'était un soir de tamr, de date, un soir d'orge, un soir de raisin sec et un soir de aqid, c'est-à-dire le lait en poudre. C'est l'équivalent du lait en poudre, comme l'a dit Cheikhana Muhammad ibn Hizam, hafizahullah ta'ala. Donc ce hadith dans lequel il a dit kunna nu'tiyaha fi zaman Nabiy sallam sa'an min ta'am, on donnait un soir de nourriture, ceci nous prouve que tu ne peux pas donner en compensation de cela de l'argent. C'est-à-dire tu calcule l'équivalent de ce soir et tu donnes en compensation de cela de l'argent, parce que certaines des personnes, comme je l'ai dit en France, ils n'acceptent pas l'argent. Ils disent on a assez de. La nourriture, elle est présente chez nous, laquine on a besoin d'argent afin de subvenir au loyer, ceci, cela. L'argent, elle était présente à l'époque du prophète. Les pauvres, ils étaient présents à l'époque du prophète. Des personnes, ils avaient plus peut-être le besoin d'argent en ce jour-là. Dans Yom al-Fitr, Eid al-Fitr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a légiféré de la nourriture. Donc, il y a ce que certaines personnes font. Il faut donner 5 euros pour Zakat al-Fitr et l'Akhiri. Ça, c'est une chose qui n'existe pas. Il faut donner de la nourriture. Et si jamais certaines personnes se refusent d'accepter ce sort de ta'am, alhamdoulilah, les masakin sont moujoud et kathir. Si jamais tu ne les trouves pas en France, tu vas les trouver dans un pays. Ils sont moujoud en Afrique, ils sont moujoud au Maghreb, ils sont moujoud dans tous les pays. Si jamais ces personnes-là, c'est mieux de donner aux pauvres de ce pays-là, du pays dans lequel tu vis. Laquelle, si ces personnes-là font un peu de chichi, non, on veut l'argent et non pas le ta'am, tu donnes le ta'am, s'il n'accepte pas, et alhamdoulilah, inshallah, tu l'envoies à certaines d'autres personnes. Donc pour cela, c'est mieux, comme on va le voir, inshallah, de se préparer avant Salat al-Eid. Avant Salat al-Eid, et de voir vraiment si jamais il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, car ça peut arriver comme ça arrivé, tu veux pratiquer la sunnah, c'est-à-dire donner ta zakat al-fitr au moment où tu sors pour aller à la salat de l'Eid, et tu trouves sur le mesquine, et le mesquine, voilà qui délibère, voilà qui débat, pourquoi tu ne me donnes pas 5 euros, pourquoi tu ne me donnes pas cela, et ensuite tu te retrouves avec zakat al-fitr dans tes mains, tu ne sais pas à qui la donner. Donc c'est mieux de se préparer à l'avance, si jamais tu penses que tu vas rencontrer ces genres de personnes-là, de se préparer comme on va le voir, c'est légiférer de pouvoir la sortir 2-3 jours avant, et tu regardes les pauvres qui sont nécessiteux dans ton pays, si jamais tu les trouves, alhamdoulilah, ou sinon, alhamdoulilah, les pays, ils sont nombreux. Donc il ne faut pas sortir de l'argent, en aucun cas, il faut sortir de l'argent. Et si même ils te sortent la fatwa de Omar ibn Aziz, rahimahullah ta'ala, c'est un ijtihad, c'est un effort de compréhension qui est faux. Donc là, on a pu le voir là, à travers ce que je vous ai évoqué, que le temps légiféré pour cela, c'est que tu le sortes, il y a un moment où tu vas sortir pour aller à la prière. Tamam? Comme cela a été évoqué par Ibn Umar, radiallahu anhu, قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. Nabi Sussam, il a ordonné qu'elle soit versée avant que les gens sortent pour aller à la prière. Et quand il y a un hadith d'Ibn Abbas qui est venu, qui nous montre que celui qui la sort après la salat al-Eid, cette zakat-là, elle sera plus comptée comme une zakat, mais comme une sadaqa, comme une aumône, et non pas comme une zakat. C'est-à-dire que il aura donné pour cela au miskin, lakin il n'aura pas la récompense. Il n'aura pas la récompense de l'avoir sorti comme zakat, lakin comme une sadaqa. Et comme on a pu le voir, c'est obligé. C'est une obligation. C'est-à-dire que la personne qui se dit, bon, et les gens, plutôt, la salat, elle a prié, et moi j'ai encore ma zakat entre les mains, j'ai eu de la négligence, j'ai pas pu la donner à quelqu'un. Donc, khalas, son temps il est sorti, j'ai pu, je ne peux plus la donner. Non. Ta conscience elle sera libérée que si jamais tu lui donnes à ce pauvre-là, parce que c'est son droit, qu'Allah Azzawajal, il lui a décrété. Donc, tu te dois de lui donner ce supplément que tu as chez toi. Si jamais tu le manges, tu as mangé quelque chose bil batil, c'est-à-dire que tu as mangé cela dans le faux, c'est une chose qui ne t'appartient plus, c'est une chose qui appartient à un miskin. Tu dois lui donner quoi qu'il en soit. Un an, deux ans, trois ans après, ce droit-là, c'est à qui il appartient à ce miskin. Et ta conscience sera libérée que si jamais tu le donnes. Si tu ne le fais pas, tu as commis un grand péché, tu as plutôt commis un péché qui est que tu as privé de nourriture un pauvre, et qui te dira qui est le droit des pauvres auprès d'Allah Azzawajal. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Vous êtes secouru, votre risque il vous est donné par l'intermédiaire des faibles de votre communauté. Fayyakum wa iyyakum. Il est venu, na'am barakallahu fikum, kadhalika, des certains sahaba, comme c'est le cas de Umar radiallahu anhu, plutôt Ibn Umar, comme Nafi' l'a rapporté, qu'il avait pour habitude, ou plutôt qui l'avait pour coutume, de la sortir deux jours avant Yom al-Aid. Donc ceci, yani, c'est un acte des sahaba. Mais le mieux, c'est de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle, si jamais tu crains, comme c'est le cas en France et autres, de ne pas trouver le pauvre au moment voulu, il est bien pour toi de prendre des précautions et de la sortir deux jours avant. Et kazalika, yani, si jamais c'est connu qu'il y a des gens qui regroupent zakat al-fitr, yani, pour la verser aux pauvres ou aux nécessiteux. Si jamais tu connais une organisation qui fait cela, tu lui donnes deux jours avant, car le sahaba, il faisait cela. Il réunissait la zakat al-fitr deux jours avant Yom al-Aid aux personnes qui regroupaient la zakat al-fitr. Kathalika, c'est venu qu'ils ont fait cela trois jours avant, comme c'est été évoqué dans le Muwatta de l'imam Malik, selon Omar ibn Omar, radiallahu anhumah. Quant à Salat al-Aid, car en ce jour-là, il est légiféré de prier. Une prière qui s'appelle Salat al-Aid, Salat al-Aid al-fitr. Cette prière-là, elle est wajiba ala kulli mu'ayyan, ala sahih. C'est une obligation à l'individuel, comme la salat al-fajr. Celui qui la délaisse, il aura commis un péché. Celui qui l'aura fait sera conformé à l'ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous prouve cela à l'obligation de salat al-aïd, hadith Ummu Atiyyata radiyallahu anha, annaha qalat, umirna an nukhrij al-huyyad yawm al-aïdain wa zawati al-khudud, فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحياض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليست لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم. دو سو حديث ليلة يفوكي كو أم عطية دي كونوزا أردني يوم العيدين c'est-à-dire الأضحى والفطر دو سورتير لحياض c'est-à-dire les personnes, les femmes matures, ainsi que les femmes qui ne sont pas matures, plutôt les filles qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, afin qu'elles assistent au commun des musulmans et à leur invocation, et qu'à les cas au takbir qui est évoqué, qui est fait en ce jour-là, et que les personnes qui ont leur monstrue doivent s'écarter de l'endroit, des salles, des endroits de prière, car elles ne peuvent pas prier. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta, il a dit que si jamais une femme ne trouve pas de djilbab pour sortir, elle doit emprunter un djilbab à sa sœur. Donc ceci nous prouve que c'est une obligation. Car si jamais elle doit pour cela, si elle n'a pas le djilbab, elle peut dire j'ai pas de djilbab, comment je sors? Donc pour cela, emprunter à sa sœur un djilbab, donc ceci nous prouve que c'est une obligation. Malgré que cette personne-là peut être une personne qui est assez monstrueuse. C'est pour vous dire que, yani, c'est une obligation d'attester et de participer et d'être présent à cette salat al-aïd. Même la personne qui ne prie pas, elle doit s'écarter, mais être présente. Et kazalika barakallahu fikum, le fait qu'elle a dit, omerna, on nous a ordonné, et comme on a pu le voir, le fait que la personne leur donne une chose, ça fait de cette chose-là qu'elle est une obligation. Donc elle est obligée à toute personne. Toute personne, elle est obligée de prier salat al-aïd. Parmi les choses qui sont recommandées en ce jour-là, Yom al-Aïd, avant d'aller à la prière, c'est de manger et de boire, car c'est un jour de fête. Et Nabi Sussam, il a dit, « Hum a'yaduna ya ahl al-islam, yom aklin wa sharbin. » Ce sont des jours de fête, ya ahl al-islam, dans lesquels nous mangeons et nous buvons. Car dans lesquels a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa sunna, c'est qu'avant qu'il sortait pour aller à la salat al-Aïd, il prenait pour cela des dattes, il mangeait des dattes. Et si jamais c'est possible même de manger ces dattes-là d'un nombre impair. Si jamais tu n'as pas la capacité, tu le manges, yani, du nombre que tu peux. Lakin, de faire la sunna, c'est mieux. De faire la sunna, c'est mieux. Prendre quelques dates avant de sortir, avant d'aller à la prière, c'est une chose qui est recommandée, une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait en ce grand jour, auquel on demande à Allah azza wa jal qu'il nous fasse, qu'il nous compte parmi les présents. Kadhalika, il est légiféré en ce jour-là, et il est bon de se laver. Il est bon de se laver. Les hadiths qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas authentiques, ils sont tous daif. Là, il y a d'autres hadiths qui, dans lesquels on peut se passer de ces hadiths daif, dans lesquels Nabi Sallam dit « Allah demilun yuhibbul jamal » Allah subhanahu wa ta'ala est beau et aime la beauté. Et la beauté, c'est clair, passe par le fait de se laver. Comment une personne peut être beau, porter des beaux vêtements, alors qu'elle ne s'est pas lavée pendant une semaine? Ça va à l'encontre de la beauté. Donc dans ce hadith-là, il y a quoi? Un exhortement à se laver en ce jour-là. Et kadhalika, il est venu des compagnons qui faisaient cela en ce jour-là, comme c'est le cas de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, sous les ranin rousl. Il lui a été demandé, questionné au sujet du rousl, il a dit, faqala yawm al-adha wa yawm al-fitr. Yani, le jour où il faut se laver, le jour de l'adha et le yawm al-fitr, les deux jours de fête, est authentifié par Cheikhuna Mohamed ibn Hazam, selon Ibn Abi Shayba. Rapporté par Ibn Shayba. Kadhalika, Ibn Umar, il a été évoqué d'Ibn Umar, qu'il pratiquait cette coutume-là, c'est-à-dire de se laver avant de sortir pour aller au lieu de prière. Ça a été rapporté par le Muwatta, l'athar il est authentique, authentifié par Cheikhuna Zayd al-Wasabi, waffaqahullah. Kadhalika, il est bon de se faire beau, de porter les plus beaux vêtements ce jour-là. Car on a dit, comme on a pu voir sur le hadith, Inna Allah jamil yuhibbul jamal, rawahu muslim, selon Ibn Mas'ud. Allah est beau et aime la beauté. Donc il faut se faire beau, et pour cela, porter le qamis de couleur, ou plutôt les choses d'une couleur blanche. Car Nabi Sallam, il aimait le blanc. Car Nabi Sallam, yaqul, albisu al-bayad wa kaffinu fiha amwatakum, bil ma'na. Donc il y en a porté les vêtements de couleur blanc, et kazalika, il y en a enterré vos morts dans le kafan, c'est-à-dire la chose par laquelle on enterre le mort d'une couleur, avec une couleur qui est blanche. Parmi les hadiths qui nous prouvent qu'il est bon de se faire beau en ce jour-là, hadith Ibn Umar dans lequel Anna Umar akhadha jubbatan min istibraq fa'ata Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya Rasulallah ibta hadhihi tajammal biha lil'id wal wufut. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il avait pris un vêtement istibraq de soie dans lequel il a exhorté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir kadhalika un vêtement de même. Il lui dit, afin que tu puisses le porter pendant les grands événements et kadhalika pendant les jours de fête. Wa Nabi Sallam, il lui a dit, inna hadhihi al-libas liman la khalaqa lahu. Ça, c'est les vêtements des personnes qui n'ont pas de part dans la vie, dans l'au-delà. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Nabi Sallam lui a reproché le fait que ce vêtement-là fait partie des vêtements des kuffars, des gens qui n'ont pas de part dans l'au-delà. Il ne lui a pas reproché le fait de bien s'habiller en ce jour-là. Il a juste reproché que ce vêtement-là n'était pas un vêtement qui était légiféré dans l'islam, qui n'était pas légiféré. Donc de ce hadith-là, kadhalika, il y a un exhortement à se vêtir des vêtements qui sont légiférés et ne pas prendre ce yawm al-eid pour le salir et le dénigrer avec des vêtements qui sont propres aux kuffar. Donc c'est un yawm al-eid, un jour de fête. Il est légiféré pour cela de sortir les vêtements les plus beaux que tu as et les vêtements qui sont légiférés. Le beau kamis blanc, tamam. Si jamais tu peux, la imama blanche, si jamais tu peux, la kofia blanche. Tamam. Ce que tu peux, d'une couleur blanche, et les habits qui sont légiférés pour cela. La siyama en ce jour de fête. Il faut se différencier. Donc, kadhalika, le fait de se vanter dans un vêtement qui est beau, shaitan il te souffle un peu dans les bronches et te voilà que tu roules des mécaniques. Et que tes vêtements te font avoir un côté orgueilleux. Donc la modestie lorsque tu portes des beaux affaires, on se doit d'être modeste, on se doit d'être modeste. Ils sont venus des hadiths qui nous met en garde contre cela. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala baynama rajulun yamshi fi jull hullatin tu'jibuhu nafsah muraddilun jummata idh khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajaljal fiha ila yawm al-qiyamah. Alors qu'une personne était en train de marcher d'une manière orgueilleuse, dans un vêtement dans lequel qui le plaisait, les cheveux bien peignés, et Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre sur terre là. J'ai oublié comment on dit ça. Donc ceci nous prouve qu'il ne faut pas faire cela. Et quand les cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam évitait les vêtements qui vont en dessous des chevilles. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iyaka wa isbal al-izar, fina isbal al-izar min al-khuyala. Il nous met en garde de laisser descendre les vêtements en dessous des chevilles, car il nous dit de faire cela, c'est l'affaire des personnes qui sont orgueilleuses. Rapporté par le Cheikh Mughbal, plutôt, il y en a rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh Mughbal, alayhi rahmatullah. Toutes choses qu'ils ont en dessous des chevilles, ils sont voués à l'enfer. Et quand on se recommande, ou plutôt, on vous met comme lieutenant, afin de recommander aux personnes que vous connaissez, que Yom al-Eid, ce n'est pas un jour où tu dois faire le ma'asi, c'est-à-dire que pour te faire beau, tu vas, et les gens ne comprennent pas. Tout le mois de Ramadan, Allah Mabarak, il s'est laissé pousser la barbe, et Yom al-Eid, il arrive, il se rase la barbe, en pensant que c'est ça la beauté. Hein? Ou bien, il va porter des vêtements, yani, qui n'ont pas lieu d'être. Hein? Ces choses-là, elles ne sont pas, c'est pas légiférées. Hein? Ou il va se faire une coupe, yani, qui n'est pas légiférée. Hein? Les coupes au bol, ou autres, ou bien, comme on a pu nous raconter, yani, un peu avec les coupes, yani, avec les personnes qui ressemblent aux footballeurs, qui sont présentes chez certains yani, de nos frères, hadahum Allah. On doit se différencier des kuffars. Quelles sont les différences ce jour-là de se parfumer? Car ça fait partie du jamil, du jamal. Comme le Nabi Sussam, « Inna Allah jamil, l'hubbu al-jamal » Ibn Mas'ud, Allah muslim. Allah est beau et aime la beauté. Et ceci, Kazalika fait partie des choses qui, par lesquelles se complémente la beauté, c'est-à-dire se parfumer. Et Omar ibn Khattab, ou plutôt son fils, Ibn Omar, il a eu pour habitude dans ce jour-là de se parfumer. Pour l'Yom al-Aïd et l'Yom al-Fitr et l'Yom al-Adha. Et tandis que les femmes, c'est pas parmi pour elles de faire cela. En ce jour-là, elles ne doivent pas se parfumer. Si jamais elles veulent se parfumer, c'est pour la maison, pour son mari, ou bien à la maison, ta main, à main, pour sortir dehors, elles ne se parfument pas. Donc, elles doivent faire attention à cela. Certaines sœurs nouvelles qui rentrent peut-être dans le dîn, en ce jour-là, veulent se faire belles, et voilà qu'elles mettent du parfum, alors que ceci n'est pas autorisé. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha shahidat. Ihdakun al-masjid, fala tamas tayban. Si jamais l'une d'entre vous venait à se présenter à la mosquée, qu'elle ne se parfume pas. Rapporté par Muslim selon Zainab, Zawjati ou Zawjato Ibn Mas'ud, la femme d'Ibn Mas'ud, radiallahu anha. Quelles sont les choses qui sont recommandées? C'est de prendre une route qui est contraire. Quand tu vas à l'aller, tu empruntes une route. Au retour, tu empruntes une route qui est autre. Quelles sont les choses qui faisait cela? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand yom al-Eid khalaf al-tariq. Le prophète, lorsqu'il venait le jour de l'Eid, il changeait de route. La route qu'il avait prise à l'aller, ce n'était pas la même qu'il avait prise au retour, et vice-versa. Quant à la manière de prier, la description de la prière de l'Eid, à savoir que Yom al-Eid, c'est une salat à laquelle il n'y a pas d'iqama. Tu fais ni l'adhan, tu fais ni l'iqama, et tu appelles à la prière. Ni tu appelles à la prière, comme cela était venu de Jabir ibn Samurah wa kazalika Jabir ibn Abdullah, rapporté par Muslim, dans lequel il dit « Sallaytu ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam » العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة إلى جوته جابر بن عبد الله ولا شيء. Donc يعني la prière de l'Eid, on ne doit pas faire l'adhan pour la prière de l'Eid, ni كذلك l'Iqama, ni كذلك, comme c'est le cas يعني, de l'appel qui est observé lorsque c'est Al-Kusuf, salat de l'éclipse, salat al-Jami'a. Tu ne dis pas salat al-Eid, salat al-Eid, tout cela, ça fait partie des choses qui ne sont pas légiférées dans le din. Le moment où est légiféré, qui est légiféré pour faire la prière, c'est à partir du shuruq. À partir du shuruq, à partir du moment où tu peux, après le fajr, pouvoir faire les deux unités de prière. Comme cela a été rapporté de sahaba qui dirent Inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dhalika hatta wa dhalika hina at-tasbih. Rapporté par l'imam Hakim selon rapporté par l'imam Hakim et authentifié par Cheikh Mughbal. Dans ce hadith-là, les compagnons ont dit à ce moment-là, parce que certains des gouverneurs avait pour habitude, après la mort du prophète, après la mort des quatre califes, de retarder la salat al-Eid. Et certains des sahabes ont observé cela, ils ont dit, à cette heure-ci, on avait déjà fini de prier. Et ils disaient qu'ils avaient fini de prier au moment où il était légiféré de faire la salat al-Naf et la prière de Duha. La prière de Duha, elle est légiférée à partir du moment du shuruq, jusqu'à ce qu'un petit peu avant Zénith. Et l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit que les savants sont tous unanimes sur le fait que la prière commence à partir du moment où tu peux faire Ashuruq, tamam, salat al-Duha, et jusqu'au Zénith, parce qu'après le Zénith, c'est quoi? C'est la prière de Dhuhr. Donc son temps, il est entre Ashuruq et Az-Zawal, jusqu'au Zénith. Après le Zénith, tu ne peux pas prier. Avant le Ashuruq, tu ne peux pas prier. Quant à la Khutbah, elle commence après Salat al-Aïd. Tu pries awalan et ensuite la khutbah. Comme ça a été évoqué par Ibn Abbas, radiallahu anhu, Huma qala shahid, n'am shahidul Aïd, ma'a rasulillah sallam wa biwak wa umar, wa uthmana, fa kulluhum kan yusalluna qabla al-khutbah, rawah al-Bukhari wa muslim. Dans cet hadith, il nous dit que Ibn Abbas, radiallahu anhu, il priait avant de faire la khutbah. Il a fait cela avec le Nabi, le prophète, avec Abu Bakr, Omar et Uthman. Donc ceci est une sunnah du prophète sallam et de ses trois califes. Donc il ne faut pas inverser, comme ça a été le cas de certains gouverneurs. Le nombre de rak'a en ce jour-là, pour Yom al-Eid, Salat al-Eid, c'est deux unités de prière, comme cela a été authentifié par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, annahu qal anna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla yawm al-fitr rak'atayn wa lam yusalli qablahuma wa la ba'dahuma. Rawahu Muslim wa al-Bukhari. Ibn Abbas nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié Yom al-Eid deux unités de prière. Il n'avait ni précédé pour cela deux unités de prière et ni qu'à laquelle a prié après cela deux unités de prière. Pour nous dire que Salat al-Eid, c'est deux unités de prière qui ne sont pas précédées ni succédées de quoi ? De rawatib, comme c'est le cas de Salat al-Dhahr. Salat al-Dhahr, elle a des surrogatoires avant et après. Lakin, Salat al-Eid, non. Lakin, si après tu rentres chez toi et tu veux prier pour Allah Azzawajal, tu veux faire duha, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire duha. Tu peux faire duha. Lakin, de prier directement dans le lieu de prière où tu as prié, non. Quant à la manière de prier en ce jour-là, c'est comme les autres prières, sauf qu'il y a quelques changements. Lakin, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est connu yani, pour ceux qui participent un peu au cours de Sifat al-Salah, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al-musi'a salati, celui qui ne savait pas prier, idha kumta ila salah fakabbir. Si jamais tu veux prier, tu dois faire takbiratul haram, thumma staqbil al-qibla. Et ensuite, mettons en direction de la qibla plutôt, summa qaramata yasfara ma'a kamil al-Qur'an. Donc lorsque tu veux entrer dans la prière de Eid, il faut que tu fasses takbiratu al-ihram. Et ça, c'est un pilier de la prière. Après cela, ce qui t'est légiféré de faire, c'est de faire at-takbirat al-zawa'id. C'est-à-dire, c'est un takbir que tu dois faire en plus de takbiratu al-ihram. C'est-à-dire de dire Allahu Akbar 7 fois dans la première rak'a et de dire Allahu Akbar 5 fois. Lakin, les ulama ont divergé. Est-ce que tu dois dire cette takbir, c'est-à-dire tu dois dire Allahu Akbar yani takbirat al-ihram et ensuite tu dis cette takbirat 7 fois, c'est-à-dire en tout 8, ou bien est-ce que takbirat al-ihram il est compris dans ces 7 takbir? As-sahih, c'est que comme ça a été authentifié de Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, et il a fait cette fatwa là devant Abu Sa'id et kadhalika ou plutôt Abu Musa et Naham, le deuxième c'est qui, Huzaifa radiyallahu anhuma, il a fait cette fatwa là qui est que tu dois mettre, plutôt takbirat al-haram, elle est comprise dans les 7 takbirat. C'est-à-dire, lorsque tu fais takbirat al-haram, ensuite tu rajoutes 6 takbir. Takbirat al-haram, ensuite tu fais dua al-istiftah, et ensuite tu fais l'istihada min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, et tu lis al-fatiha. Naam. Ce qui nous prouve cela, hadith Amr ibn Shu'ayb, an Nabi, an Jaddihi, radiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kabbara yawm al-fitr, في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا والقراءة بعدهما كلتيهما رواه داود وتوثيقه par شيخ ابن حزام حفظه الله تعالى dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait 7 takbir dans la première rak'a de Salat al-Eid et 5 takbir dans la deuxième rak'a de Salat al-Eid, c'est-à-dire dans la deuxième unité de prière. Il doit dire, lorsqu'il revient du sujoud, pour se lever, il va dire Allahu Akbar. Ça, c'est un takbir. Ensuite, il en rajoute 4. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il se revient, takbir sur l'intiqal, le takbir que tu fais pour te déplacer, pour te mettre debout, il n'est pas compté dedans, non. Il est compris dedans. Et ça, c'est la fatwa d'Ibn Abbas, plutôt Naam d'Ibn Abbas et d'Ibn Mas'ud, devant la présence de qui ? De Hudhayfa et d'Abu Musa al-Ash'ari. Donc, c'est mieux de prendre l'idéologie et la vie de ces sahabas-là à la parole d'autres personnes parmi les ulama. Et pour cela, il n'est pas légiféré de lever les mains. Tu lèves les mains pour takbirat al-ihram, mais un main pour ces 6 takbirs qui vont venir dans la première unité de prière et les 5 et les 4 qui vont venir dans la deuxième, même les 5 hatta, et tu ne fais pas pour cela, tu ne lèves pas les mains. Il n'y a aucun hadith qui ont été authentifiés pour cela. La sunna, en ce jour-là, c'est de lire dans la première unité de prière qaf, ou bien sabbih isma rabbik qaf, et dans la deuxième, c'est de lire al-qamar, ou bien de lire سبح اسم ربك الأعلى الأعلى أو bien de lire الغاشية dans la deuxième unité de prière. Et tout ça a été rapporté par l'imam muslim. نعم. Et le jugement de la khutba, c'est qu'elle est une sunnah. Ce n'est pas une chose qui est obligatoire, lakin, c'est une sunnah. C'est une sunnah de participer à la khutbatul Eid. Ceci ne veut pas dire que... Donc c'est une sunnah, donc personne ne participe. Et l'imam, tu le laisses tout seul en train de faire la khutba pour le djinn. Non, tu dois être présent. Si jamais il n'y a pas une partie qui est là, comme l'a dit l'imam Ahmed, si jamais personne n'est là, à qui il fait la khutba? À qui il fait le rappel? Donc le rappel, en ce jour-là, il est mustahab. Donc il faut s'asseoir, c'est fortement nécessaire de partir avant la khutba. Amma, si jamais t'es éprouvé à séjourner dans un quartier ou dans une ville ou la mosquée, ce sont des gens qui ne sont pas sur l'istiqama, sur la droiture, tu pries avec eux, si jamais tu ne trouves que eux pour prier, et ensuite si jamais fait la khutba, on te conseille et on t'ordonne de te lever et de ne pas écouter la parole de ces gens qui ne sont pas sur la droiture, car cela va les pousser, ça va pousser autre que toi à participer au discours et prêche de ces personnes-là. Donc tu te lèves directement, et ceux que tu connais parmi tes frères, ou ceux que tu connais qui ne connaissent pas la situation de cet imam-là, de le prévenir que cet imam-là n'est pas sur la droiture, et toi tu te lèves, et tu raccomplis pour cela ce qu'Allah Azzawajal t'a ordonné. Écarte-toi de ceux qui se sont écartés de mon rappel. En ce jour-là, il est légiféré, barakallahu fikum, de faire beaucoup d'invocations. Ce n'est pas un jour où il est seulement légiféré de boire et de manger. Et faire attention aussi au gaspillage, car le gaspillage, ça fait partie des alamas des shayatin. Inna al-shayatin akanu, ou inna al-mubadhirin akanu, ikhwan al-shayatin. Ceux qui dépensent dans le mal comme ça, qui gaspillent, ce sont les frères des shayatin. Donc quelle mauvaise fraternité il y a là dans le fait de s'identifier aux actes de ces diable. Donc faire attention, c'est pas un jour on veut inviter beaucoup de personnes et on fait un peu trop de manger et ensuite il y en a, ça reste et ça va à la poubelle. Donc faut faire attention par rapport à cela. Et n'oubliez pas que vous avez jeûné dans ce jeûne-là auquel Allah Azza wa Jal, il vous a fait ressentir le besoin que ressentent les Mesakin pendant dans leur quotidien. Donc le fait de jeter les aliments après avoir connu le Ramadan, après avoir jeûné, après avoir peut-être connu la faim que connaissent ces personnes-là dans leur vie quotidienne, de jeter ta'am après cela, c'est comme si jamais tu n'avais pas compris la valeur, une des valeurs de quoi? De siyam, c'est que tu aies un naham marshlofikum, de la miséricorde pour les personnes qui sont pauvres. Donc parmi les takbirat qui sont légiférés, et le takbir, il est légiféré de le dire à partir de quoi? De la nuit, la première nuit de Shawwal, c'est-à-dire lorsque Shawwal commence, la première nuit de Shawwal était légiférée de dire at-takbir. Et pour cela, tu dis le takbir comme tu veux. Car il n'y a pas rien qui a été précisé du prophète sallam qui faisait un takbir bien précis. Et tu as pour cela la ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Donc dans cette ayat-là, Allah Azza wa Jalla nous a dit lorsque vous avez fini, lorsque le mois est fini, donc glorifiez Allah Azza wa Jalla en prononçant la formule de takbir, Allahu Akbar. Il te suffit, Sacha, mais tu dis Allahu Akbar, c'est bien. Et kadarika, comme on a pu voir dans le hadith de Mu'atiyah, dans lequel a dit Omerna an-nukhrij al-hayyad ila akhirih, thumma qalat na'am wa tashhad jama'at al-muslimin wa da'watahum. Kadarika, il est légiféré de quoi? De faire des du'as en ce jour-là. De faire beaucoup de du'as, beaucoup de dhikr, et de manger, et de boire, et d'inviter, et de visiter ses proches, tamam, et na'am, et de resserrer les liens de fraternité ila akhirih. Parmi les formules qui ont été évoquées des compagnons, celle de Al-Aswad ibn Abdullah, dans laquelle il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Ça, c'est une manière de faire qui a été évoquée par un compagnon, qui est authentique. Kadhalika, Salman, mais qui est un peu longue, dans laquelle il disait beaucoup de fois, yani Allahu Akbar, de nombreuses fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, souvent il disait اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر تكبيرا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا نعم. C'est ainsi qu'il a été évoqué ce takbir là. Il est un peu long, lakin mashallah il contient le takbir et kadhalika il contient l'invocation dans lequel il a glorifié Allah Azza wa Jal et il a exempté d'avoir une compagne et des enfants et d'avoir un allié et d'avoir un associé et un un allié dans la royauté. Ensuite, il a glorifié Allah Azza wa Jal plusieurs fois et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et la miséricorde. Kadhalika, la formule d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans laquelle il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont légiférées. Et comme on dit le ulama, et ça c'est Bil Ijma', qu'il est recommandé pour ces takbirat de lever la voix. De lever la voix, tamam. Et Kadhalika, il est permis en ce jour-là de jouer. Tamam, de jouer entre les frères, à partir du moment que c'est une chose qui n'est pas haram. À partir du moment que cette chose n'est pas haram, tamam, de jouer entre les frères, c'est un jour de détente, c'est un jour de Eid, tamam. Et Kadhalika, les femmes, c'est légiféré pour elles de jouer du douf, c'est-à-dire du tambour. C'est-à-dire dans le douf, c'est celui dont une partie est ouverte. Ah, si les deux parties du tambour sont fermées, ça c'est interdit. Tamam. Si jamais une partie est ouverte, naham, yajouz, pour les femmes de taper, ça s'appelle la douf. Tamam. Et ça c'est yajouz pour les nisa, et c'est haram ala al-rijal. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, liyakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-haram wal-harir wal-khamr wal-maza'if wal-ma'azif. Et il dit, va venir dans ma communauté des gens qui vont se légiférer la soie, le khamr, le vin, et le maza'if. Et Cheikh, il nous dit, hafizahullahu ta'ala, Cheikh Mohamed al-Hizam, et ça rentre dedans quoi? Ad-duf, c'est-à-dire de taper du tam-tam. Ad-duf, comme on a dit, c'est celui qui est ouvert d'un côté. Ça, c'est yadouz. Pour les femmes, et c'est haram ala rijal mutlaqan, que ce soit pendant l'Eid ou bien autre. Ama pour les femmes, c'est pendant, pour les occasions, tamam, pour les occasions, pour les noces de mariage et tout ça, et pour Kadalika, pour l'Eid. Yadouz, à partir du moment que ce douf, ce tam-tam-là qui est ouvert d'un côté, il ne comporte pas des chaînes dans lesquelles qui vont yani, peut-être inciter les corps à se tortiner, à avoir yani, une danse yani, qui vont faire que Shaitan va rentrer dans ces personnes-là pour ensuite à faire des mouvements qui ne sont pas trop légiférés. Tamam. Donc à partir du moment que ces tam-tam-là ils n'ont pas de chaînes ou bien de cerceaux, tamam, autour de ces tam-tam-là qui vont rajouter à la frappe un rythme, tamam. Et à partir de ce moment-là, naham, il est légiféré pour les femmes d'utiliser ces choses-là. El ghina, c'est interdit, haram. La musique, elle est interdite, que ce soit pendant Ramadan ou bien hors Ramadan, tamam. Wa minan nas ma yattakhidhu al-hadith yudilla an sabilillah. Et parmi certaines des personnes, ils prennent le futile parmi les paroles pour égarer les gens. Et ceci, comme on dit les ulama, ça rentre dedans la musique. Kadhalika al-musafaha, par rapport à al-mu'anaqa, c'est-à-dire de se prendre dans les mains, est-ce que c'est une chose qui est légiférée? C'est une chose qui n'a pas été connue. L'imam Ahmed a dit, si jamais la personne a quoi à me le fait, je ne vais pas le repousser, mais à moi que c'est moi qui commence, non, parce que ça est une chose qui n'a pas été légiférée. T'as même. Ce qui est légiféré, c'est que tu sers la main à ton frère et que tu dis salam alaykum wa rahmatullah. À moi que tu penses que ceci est une sunnah, il y en a, ça va faire de ceci que c'est une bid'a car mais il l'a jamais fait. T'as. Donc voilà. Les choses qu'il faut observer, parmi les choses qu'il faut observer, il y en a d'autres choses, laquelle c'est les plus importantes, inshallah, wa tabaraka wa ta'ala. Et naam, par rapport au salat al-Eid, avant d'oublier, j'ai oublié ceci, c'est que celui qui ne la prie pas en commun, parce que le salat al-Eid, il faut la prier en commun, comme on a pu le voir, hatta, les personnes qui ont les menstrues, il leur a demandé de participer et d'être présent. Et donc ceci nous prouve que salat al-Eid, yani, c'est quoi, se prie en commun. Mais si jamais la personne l'a loupé, c'est pas pour autant que le salat al-Eid, elle ne lui incombe plus. Il doit la faire, même si jamais il l'a fait chez lui. Et la manière de la faire, c'est comme on l'a évoqué, tamam. Comme on l'a évoqué, 7 takbir dans la première et 5 takbir dans la deuxième. Et s'il peut lire Al-Qaf, il est dans la première rak'a. Et s'il peut lire dans la deuxième Al-Qamar, ou bien s'il ne peut pas, il se contente de lire Al-A'la et dans la deuxième Al-Rashiya. Ou s'il ne peut pas, il lit ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité parmi le Coran. Ainsi, Inch'Allah, on se quitte et on espère que ce cours sera profitable pour vous, Inch'Allah, afin que vous l'appliquiez comme il se doit, bi'idhnillah azza wa jal, en ces jours qui vont venir. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardah, ja'anallahu li wa lakum, ulsar al-muslimin, al-qubul li hada ramadan, wa nitaqabbal minna siyamana wa salatana, wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. S'il y a des questions, Inch'Allah, sinon on se concentre sur les questions là. Naam, la veille. La première nuit. La première nuit, c'est-à-dire le dernier jour, on va faire le jeûne. La nuit qui va venir, si jamais ils annoncent qu'on a vu le croissant de lune, à partir de ce moment-là, quoi, on est rentré dans Shawwal. Donc à partir de ce moment-là, tu peux commencer à faire le takbir. Et Arafat, je ne vous ai pas dit quand il se finit. Il se finit avec quoi? Il se finit avec la prière. Lorsque l'imam il rentre dans la prière, à partir de ce moment-là, il n'est plus légiféré de faire takbir. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Wa iyyakum jami'an. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.